Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux cite les plus remarquables des serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Un mot résume leur vie et les unit tous, la foi. C'est pourquoi ce merveilleux chapitre s'ouvre sur une définition. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut comparer le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux à une galerie d'art exposant des tableaux célèbres. Et en vous engageant à ouvrir votre Bible en Hébreu 11, je vous invite à vous arrêter avec moi devant la première peinture de cette galerie. Lisons ensemble le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous connaissez l'histoire. Caïn et Abel ont grandi dans le premier foyer qui ait jamais existé. Ces deux garçons ont sans doute joué ensemble. Adolescents, ils sont partis à la découverte du monde merveilleux qui les entourait. Puis, ils se sont mis à travailler pour seconder leur père qui, selon le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 17, tirait avec peine du sol la nourriture qui leur était nécessaire. Adam et Ève, les parents de Caïn et d'Abel, ont eu maintes fois l'occasion de parler de Dieu à leurs deux fils. Sans doute leur ont-ils décrit l'extraordinaire félicité dans laquelle ils avaient vécu avant de tomber dans le péché. Autrefois, tout était facile. La nature prodiguait largement ses biens et le travail n'était pas pénible. Puis, ce fut le drame. Adam et Ève ont vraisemblablement raconté à leur fils l'événement qui avait bouleversé leur existence. Depuis que le mal était entré dans leur vie, ils ne connaissaient que souffrance et dur labeur, un sort que Caïn et Abel n'ont pas tardé à partager. Or, il y avait là une question grave qui, selon toute probabilité, préoccupa toujours davantage les deux frères. Dieu ne pourrait-il pas alléger notre sort et atténuer notre peine? Ne pourrions-nous pas regagner ce que nos parents ont perdu par leur péché? En lui présentant, par exemple, une offrande, ne pourrions-nous pas rechercher les faveurs de Dieu? Aussi, lisons-nous des deux premiers jeunes gens de l'histoire. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. À la lecture de ces versets, je pressens la réaction de certains de nos auditeurs. Mais alors, n'y a-t-il pas eu injustice de la part de Dieu pour qu'il favorise Abel au détriment de Caïn? Avant d'attribuer quoi que ce soit d'injuste à Dieu, donnons-nous la peine de considérer attentivement la démarche de chacun des deux frères et de discerner leur mobile et leur façon de faire. Caïn était laboureur. Il a donc fait pousser dans son jardin des plantes, des arbustes et des arbres portant du fruit. N'était-ce pas bien naturel alors qu'il choisisse les plus beaux échantillons de sa production pour les présenter à Dieu? C'est comme s'il avait prié en ces termes. « Ô Dieu, admire la qualité des fruits que je t'apporte. N'ai-je pas bien travaillé? Est-ce que je ne mérite pas que tu me bénisses en contrepartie du beau cadeau que je t'offre? Nul ne m'a obligé de le faire, mais je te le présente pour que tu aies égard au mérite de mes œuvres et que tu m'assures dès aujourd'hui une existence plus facile et demain une place d'honneur dans ton ciel. » Ces propos, bien sûr, ne se trouvent pas dans le texte biblique, mais l'Écriture nous montre que, par son acte, Caïn a été le premier adepte de la religion des mérites et des œuvres. ouvrant ainsi à des multitudes d'êtres humains une route que l'apôtre Jude appelle la voie de Caïn, Jude verset 11. Il s'est lancé corps et âme dans les pratiques d'une religion procédant des efforts propres de l'homme, une religion que le Nouveau Testament qualifie de vaine, Jacques 1, 26, parce qu'elle est inspirée par le diable lui-même, 1 Jean 3, 12. Cette religion des œuvres n'a produit que des effets négatifs sur Caïn. C'est elle qui, en dernier ressort, l'a poussé à la jalousie et au crime, auxquels se sont ajoutés ensuite la dissimulation et le mensonge. Et, selon Genèse 4, 13, elle n'a pas pu le soustraire au désespoir et aux pensées de suicide. Dans la plupart des cas, les hommes sont disposés à faire n'importe quoi pour fabriquer eux-mêmes leur salut. Certains sont prêts à aller jusqu'au bout du monde, à construire des édifices religieux ou à faire des pèlerinages, même à genoux. D'autres pensent s'attirer les faveurs du ciel en jeûnant, en mortifiant leur chair, en vivant en réclusion, en se dévouant pour les autres ou encore en se lançant dans la philanthropie. Mais rien de tout cela ne peut leur ouvrir le ciel. Le culte des mérites de l'homme est l'expression de son orgueil. C'est aussi une injure à Dieu qui, lui, entend sauver l'homme par grâce, en écartant toutes les démarches entreprises par cet homme pour s'attirer ses faveurs. L'apôtre Paul a écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 9. Or Caïn n'a rien voulu de ce salut offert par la seule grâce de Dieu, tandis qu'Abel a recherché cette grâce. Penchons-nous donc sur les mobiles qui ont poussé Abel à présenter à son tour une offrande à Dieu. Il n'a pas offert son sacrifice pour imiter son frère ou par crainte d'être laissé pour compte, mais il s'est approché de Dieu en recherchant une base de contact qui soit agréable à Dieu et à lui seul. Or, notre chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux précise cette base. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, 6. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, notre foi est nourrie par le message de la Bible, car la foi procède essentiellement de la parole de Dieu. Mais Abel n'avait pas le privilège de posséder l'Écriture sainte, qui, évidemment, n'existait pas à l'époque. Aussi a-t-il sondé les événements du passé pour rechercher la pensée de Dieu. Il était du nombre des prophètes de l'Ancien Testament, de qui l'apôtre Pierre déclare « Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations par l'Esprit de Christ qui était en eux. » 1er Épître de Pierre, chapitre 1er, versets 10 à 11. Par l'Esprit de Christ qui était en lui, Abel a réfléchi aux actes accomplis par Dieu en faveur de ses parents. Il s'est tout d'abord souvenu que les feuilles de figuier qu'Adam et Ève avaient hâtivement cousues pour s'en faire des ceintures n'avaient pas suffi pour cacher leur nudité et leur honte, encore moins pour couvrir leur faute aux yeux de Dieu. Et il avait remarqué que Dieu s'y était pris tout autrement pour vêtir ses parents. Nous lisons en Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Pour confectionner des habits de peau, Dieu avait d'abord dû sacrifier des animaux. Prenant ensuite les peaux, il en avait revêtu Adam et Ève. Dieu entendait démontrer ainsi le principe de base qui gouverne ses relations avec l'homme, ce principe que l'Épître aux Hébreux exprime en ces termes. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Par avance, Abel avait eu révélation de cette charte de base des relations de Dieu avec l'homme. La victime expiatoire est toujours nécessaire pour que l'être humain soit acceptable devant Dieu. En jetant son dévolu sur l'un des premiers-nés de son troupeau, Abel, le berger, n'a donc pas offert à Dieu un agneau parce qu'il lui était commode de prendre ce qu'il avait sous la main. Son regard de foi a franchi les siècles pour se diriger vers le parfait sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sacrifice d'Abel préfigurait le parfait sacrifice de Christ à la croix du calvaire, et Dieu ne pouvait que l'agréer. Aussi, Hébreux 11 nous dit que par son offrande, Abel fut déclaré juste. Il n'y a pas de justice propre dans l'homme, mais tous ceux qui ont cru, qui croient ou qui croiront encore au sang de Christ ont été, sont et seront pardonnés de leurs péchés, puis déclarés justes, c'est-à-dire justifiés devant Dieu. Chers auditeurs, qu'en est-il de vous aujourd'hui? Voulez-vous encore mériter le ciel par vos efforts propres et votre religion traditionnelle? Ou bien acceptez-vous le seul moyen que Dieu a voulu pour vous accorder la vie éternelle? En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7.